Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, je vais te faire une interview musique. Tu vas voir, c'est très très simple. Alors, tu es plutôt Renault ou Peugeot ? Renault. Tu es plutôt Jean-Luc Lahaye ou Kids United ? Jean-Luc Lahaye. Tu es plutôt Michel Delpech ou Delpech Mode ? Oh. Michel Delpech. Plutôt Paul Naref ou Paul Narget ? Paul Naref. Ah, il y a une fan apparemment. Plutôt Brel ou Cabrel ? Brel. Plutôt M. Pokora ou C. Jérôme ? C. Jérôme. C'est vrai ? Ah oui, bah, je comprends. Ah, oui. Plutôt Zaz ou Zazie ? Oh, Zazie. Ah. Plutôt. J'aime bien, je l'ai trouvé tout à l'heure celle-là. Plutôt Mélomane ou Mélenchon ? Mélenchon. Oh lol. Et dernière question. Plutôt André Manoukian ou André Manoukian ? Ah. André. Ah. C'est un grand bleu pour toi, bravo. C'est un grand bleu, merci Sophie. On rappelle que tu seras le 25 novembre à la Manufacture Chanson.